الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui le 5 Shawwal, le jeudi 5 Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 28 mai 2020. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah Azzawajal, pour poursuivre ensemble notre lecture dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir al-Dimashqi, rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Et nous avons parlé dans le cours précédent de la grande conquête de Mecca, dans laquelle le Nabi Isa salam, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son noble prophète, alayhi salatu wassalam, cette grande victoire et cette conquête qui a été appelée, comme l'a décrit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, al-Fath al-A'zam, la plus immense de toutes les victoires et conquêtes avec laquelle Allah Azza wa Jal a fait triompher sa religion et son messager et ses soldats. Et dans laquelle Allah Azza wa Jal a permis de mettre le sanctuaire sacré de Mecca entre les mains des croyants. Et il l'a sauvé des mécréants et de tout ce qu'il faisait dedans. Ce sanctuaire sacré, duquel Allah Azza wa Jalla a fait une guidée pour toute l'humanité. Et il l'a sauvé d'entre les mains des mécréants et des associâtres. Donc, cette ghazwa de Mecca, ou ce fath de Mecca, qui a eu lieu dans le mois de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire. C'est-à-dire, il doit rester, on est dans l'année 8, le mois Ramadan, c'est-à-dire vers la fin de l'année 8, il reste l'année 9 et l'année 10, 2 ans avant le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, cet événement était extrêmement important pour plusieurs raisons. On a vu déjà, pour commencer par le début, on a vu les causes de cette conquête et de cette bataille. Car comme c'était convenu dans le pacte de l'Hudaybiya, que le Nabi Issa salam et les compagnons étaient en trêve avec les kuffars de Quraysh pendant 10 ans, selon l'accord qui a été signé entre les deux parties. Mais kuffar Quraysh, pas tous, mais une partie d'eux, sans qu'ils soient blâmés par les autres. Donc c'est comme s'ils sont d'accord. C'est pour ça que Nabi Issa salam a mené cette guerre contre eux. Donc certains parmi eux ont violé ce pacte. Quand la tribu de Banu Bakr, qui sont les alliés de Quraysh, ont décidé de se venger et profiter de cette trêve pour se venger de leurs ennemis, les Banu Khuza'a, qui sont les alliés du prophète Isa alayhi salam. Et tous, c'est des tribus autour de Mecca. Donc, ils ont décidé de profiter de cette trêve pour se venger de leurs ennemis, de certaines choses qu'ils avaient à régler avec eux avant l'islam. Et on a vu qu'ils ont tué une 20aine parmi eux dans le haram. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de secourir les Banu Khuza'a et de leur donner justice de ce qu'ils avaient subi. Et Kuffar Quraysh, après cette erreur et cette violation, ils ont envoyé Abu Sufyan pour se rattraper et réparer leur erreur, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit et n'a pas répondu à sa demande. Depuis ce moment-là, Quraysh tous, ils savaient que le jour où Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait les attaquer, yani, c'était une chose imminente et que c'était uniquement une question de temps. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dans cette bataille avec 10 000 hommes, comme on a vu. 10 000 hommes. Et ils sont sortis de Medina le 10 Ramadan. Et la conquête, yani la victoire sur les Mécois, a eu lieu dans le 19 Ramadan. Il y a une divergence, mais on va rester sur cet avis. Yani, est-ce que c'est le 17, le 18, le 19? Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti le 10, et à l'époque on mettait 8 jours pour arriver, donc une journée dans laquelle s'est passé, yani, a eu lieu cette victoire sur les Mécois, après une bataille d'une partie de l'armée des muslimines contre des mécréants qui ont décidé de combattre et de ne pas se soumettre. Et on a vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il y a eu 12 morts, selon une version, ou 13, dans les rangs des mécréants. C'est ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et que du côté du muslimine, il n'y a eu que 2 personnes ou 3 qui sont tombées martyrs. Donc, je disais que ça c'est la cause de cette bataille. Mais sinon, par rapport à l'importance de cette bataille, vu le statut qu'avait la tribu de Quraysh parmi toutes les autres tribus arabes, c'est pour ça, yani que ce soit les Anna Quraysh comme on a vu, c'est les descendants directs de Ismaïl alayhi salam. Quraysh, ce sont les descendants directs de Ismaïl alayhi salam, et c'est eux qui ont toujours, qui se sont toujours occupés de la Kaaba et des pèlerins. Donc ils avaient un mérite, yani, supérieur à toutes les autres tribus arabes, de plusieurs points de vue. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de tribus arabes qui ne sont pas entrées dans l'islam, parce qu'ils ont vu que Quraysh n'est pas entré dans l'islam. Et ils ont su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie d'eux. Et beaucoup d'entre eux, ils disaient, laissez-lui contre sa tribu, si il les domine, alors on saura que c'est un vrai prophète. Et s'il le tue, il se débarrasse de lui, on saura que c'est pas un vrai prophète. Effectivement, quand il y a eu la conquête de Mecca, la plupart de ces tribus arabes se sont hâtées à entrer dans l'islam. Se sont hâtées à entrer dans l'islam dès la conquête de Mecca. Comme Allah Azza wa Jalla dit, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Bon sens approximatif. Lorsque viendra le secours d'Allah annonçant la victoire et que tu verras les hommes entrer dans la religion d'Allah en foule, rends gloire alors à ton Seigneur, célèbre ses louanges et implore son pardon, car il est tout absoluteur. Et cette sourate, c'est une sourate dans laquelle Allah Azza wa Jal a annoncé à son noble prophète alayhi salatu wassalam sa mort. Ça veut dire que la mort du prophète alayhi salatu wassalam est proche. Et là, rappelez-vous qu'on est dans l'année 8 de l'Hégire. Et Nabi alayhi salatu wassalam est décédé dans le début de l'année 11 de l'Hégire, dans le mois Rabi al-Awwal, le 12 de ce mois, Rabi al-Awwal. Et la dernière fois, on s'était arrêté quand on parlait de quand Nabi alayhi salam a, Allah lui a donné le triomphe et la victoire contre Quraysh, et qu'il a dit cette parole que Abu Sufyan a transmis aux Mekkois, que celui qui entre dans la maison de Abu Sufyan, il est à l'abri, que celui qui entre dans sa propre maison est à l'abri, que celui qui entre dans la mosquée est à l'abri. Donc tout le monde était à l'abri pour celui qui le voulait pour lui-même, et préserver son âme pour celui qui le voulait. Et Nabi alayhi salatu wassalam a fait exception de quelques hommes. Et ces hommes, on les a vus chacun dans les détails, yani quelques hommes et quelques femmes, et toutes ces femmes, c'était des servantes. C'était pas des femmes libres qui appartenaient à des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Et de tous ceux que le Nabi alayhi salam a dit de tuer, il n'a été tué que 3 hommes, et les autres, il y en a qui ont fui et qui sont revenus par la suite et qui sont entrés dans l'islam. Et des femmes également ont été tuées, 2 femmes. Les autres, yani, ont fui, sont revenus par la suite et sont entrés dans l'islam. Et ces hommes et ces femmes, tous, dont Nabi alayhi salam a rendu licite leur sang, tous ils ont ce point en commun qui faisait énormément de mal au prophète alayhi salatu wassalam, ou à ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc c'est des gens qui faisaient beaucoup de mal au prophète alayhi salam et aux muslimines de manière générale. Et quand Allah Azza wa Jal a fait triompher son prophète alayhi salatu wassalam, il s'est adressé aux Mekkois, yani qui sont encore sur le kufr. Il leur a dit: Ya ma'shara Quraysh, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Ô Quraysh, ô les Quraysh, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Qalu khayran, akhun karim wa ibn akhin karim. Ils ont dit du bien. T'es un homme, un frère noble, fils d'un frère noble. Yani, ils ont cité la noblesse de son origine, alayhi salatu wassalam. Et que les hommes comme lui ne font que du bien, même vis-à-vis de leurs ennemis, quand ils sont en force et en puissance, et ils peuvent se venger. Et il leur a dit: فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفُ لِإِخْوَتِهِ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. Il a dit: je vous dis comme a dit Youssouf alayhi salam à ses frères, aucune reproche ne vous sera faite aujourd'hui, ni aucun blâme. Partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Et ensuite, Nabi alayhi salam a demandé à Uthman ibn Talha de lui donner la clé de l'Kaaba, car il était des Banu Shayba, et c'était eux qui avaient les clés de l'Kaaba. Et Nabi alayhi salam, ensuite, il y a certains compagnons qui voulaient la clé de l'Kaaba, cet honneur d'être au service de l'Kaaba, un des servants de l'Kaaba. Mais Nabi alayhi salam, ensuite, il a rendu la clé à Uthman et on a vu qu'il était devenu musulman avant la conquête de Mecca, quand il était parti en voyage avec Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Ils ont fait l'hijra vers Nabi Isa alayhi salam, les trois. Et il lui a rendu la clé, il lui a dit, Nabi Isa alayhi salam, ça c'est un jour de loyauté, c'est un jour de loyauté, هذا يوم بر ووفاء, de bonté et de loyauté. Donc il lui a rendu la clé de la Kaaba. Et Nabi alayhi salam lui a rappelé, il lui a rappelé ce qu'il lui avait dit un jour quand Nabi alayhi salam voulait entrer dans la Kaaba avant le Hijra, et quand Uthman était encore mécréant. Il lui a dit, il lui a demandé de lui ouvrir. Et Uthman, à cette époque-là, il a parlé mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, ce jour-là, « Ya Uthman, il viendra un jour où tu me donneras cette clé et que c'est moi qui va décider à qui la donner. » Et quand il lui a rendu la clé ce jour-là, suite à la conquête de Mecca, il lui a rappelé ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, « Tu te rappelles de ça ?» Il a dit, « Oui, au messager d'Allah. » Et je témoigne que tu es le messager d'Allah. Et il leur a laissé la clé et il leur a dit, ça va rester entre vos mains et jusqu'à la fin de cette dunya. Et il ne la retirera de vos mains qu'un homme injuste. Et effectivement, la clé de Kaaba, elle est toujours chez les descendants de Uthman ibn Talha, jusqu'à aujourd'hui, qui sont la famille des Banu Shayba. Qui sont la famille des Banu Shayba. Donc, Nabi Isa alayhi salam également, ce jour-là, il a donné l'exemple de celui à qui on a fait beaucoup de mal et qu'il a pardonné en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien évidemment, tout ça, ça a touché énormément les Mécois. Et Nabi alayhi salam a montré ce jour-là également la sacralité de la Kaaba et de Mecca, et que Mecca ne peut être conquis après ce jour. Il a montré le statut élevé de Quraysh également. Malheureusement, ça c'est des choses qu'on entend chez certains ignorants. Ils disent, lui c'est un Quraysh, pour blâmer. Quraysh, c'est une tribu de laquelle descend le prophète alayhi salatu wassalam, premièrement. Deuxièmement, c'est une tribu qui a un mérite. Certes, ils ont combattu le prophète alayhi salam avant l'islam, mais quand ils sont entrés dans l'islam, ils ont fait ce qu'on connaît tous pour servir la religion de l'islam. Et donc, cette appartenance, c'est un honneur de faire partie de cette tribu. Et c'est pas une insulte. C'est un honneur quand elle est accompagnée, bien évidemment, de l'honneur le plus grand, l'honneur de l'islam. La noblesse de l'origine est un mérite quand elle est accompagnée de l'islam et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc après les savants, l'imam Ibn Kathir, rahimallah, il a parlé de ce point. Est-ce que Mecca a été conquise de force ou par soumission des Mécois? Il y a des savants qui voient cet avis, d'autres qui voient l'autre, mais la plupart des savants voient qu'elle a été conquise de force, comme il y a eu une bataille. Mais Mecca a une particularité, a plusieurs particularités. C'est pour ça, il n'y a pas eu de partage de butin, ni des terres, comme ceci était pratiqué, par exemple, dans Khaybar ou autre. En tout cas, ça, c'est un très très long sujet dans lequel les savants ont beaucoup parlé et qu'on va passer ici. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a cette divergence. Est-ce que Makkah a été conquise par force ou par soumission des Mécois sans qu'il y ait de combat? On a vu qu'il y a eu des combats et que même il y a eu des morts des deux côtés. C'est pour ça, Allah Alam, la vie le plus juste, c'est que Mecca a été conquise par force et que Allah Azzawajal a autorisé le combat à Mecca pendant un laps de temps. Et après, ça ne sera plus jamais autorisé jusqu'à la fin des temps, comme le Nabi Issa salam a informé lui-même. Comme il a informé alayhi salatu wassalam lui-même. Ça a été autorisé pour le Nabi Issa salam pendant un laps de temps et ça ne sera plus jamais autorisé pour qui que ce soit après lui jusqu'à la fin des temps. Une fois que le Nabi Issa salam a pris le pouvoir de Mecca, il a commencé par purifier la mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram, en retirant les statues qui étaient autour de l'Haram, de l'Kaaba. Et il a participé dans leur démolition avec ses propres mains, alayhi salatu wassalam. Il a participé en cela avec ses propres mains, alayhi salatu wassalam. Et pendant, Nabi alayhi salam avait un arc avec lequel il faisait tomber les statues et elles tombaient sur leur devant, elles se cassaient. Et pendant qu'il le faisait, alayhi salatu wassalam, il disait, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et il récitait également, قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ. Donc, dans le sens approximatif, dit la vérité est venue. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. L'erreur s'en est allée. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Car l'erreur ne peut que s'en aller. Car l'erreur ne peut que s'en aller. Et dans l'autre verset, dit la vérité est venue. L'erreur n'a ni le pouvoir de prendre l'initiative, ni de répliquer. Et on a vu qu'il est, quand il est entré à Mecca, alayhi salatu wassalam, il est entré dans une très grande modestie et humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, d'entrer dans son sanctuaire sacré, dans le haram. Et il est entré en récitant Surat al-Fath, en étant sur sa monture. Et il est entré à Mecca, Nabi alayhi sallam, en ayant un turban noir. C'était pas une habitude courante chez Nabi alayhi sallam de porter du noir, mais il le faisait occasionnellement. Et là, c'était le cas. C'est pour ça, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit que c'est pas une couleur que Nabi alayhi sallam portait souvent, comme certains l'ont compris. Mais il portait le noir de temps en temps, notamment quand il a conquis Mecca. À l'approche de Mecca, il a porté un turban noir, alayhi salatu wassalam. Et autour de la Kaaba, il y avait 360 statues vénérées par des tribus différentes parmi les tribus arabes, comme c'est rapporté dans les deux authentiques. Et Nabi alayhi sallam avec ses compagnons, ils ont tout cassé. Et même Nabi alayhi sallam est entré à l'intérieur de la Kaaba. Et à l'intérieur de la Kaaba, il a vu des images. Il a vu des images de Ibrahim alayhi salam, des images de Maryam alayhi salam, et quand il a vu, et de Ismaïl également, et de Ishaq, en tout cas il a vu des images de prophètes alayhi salatu wa salam. Et subhanallah, dans ces images, ils avaient mis Ibrahim alayhi salam, ainsi que Ismaïl et Ishaq, comme s'ils faisaient l'istiqsam bil-azlam. Comme s'ils faisaient l'istiqsam bil-azlam. Yani, comme s'ils cherchaient le bon augure, le mauvais augure, à travers ce qu'ils appelaient l'azlam. Et le Nabi alayhi salam a ordonné, l'azlam, l'istiqsam bil-azlam, c'est de consulter le sort au moyen de flèches. Soi-disant, c'est des flèches qui permettent de savoir est-ce que cette affaire que tu veux faire est une bonne chose ou une mauvaise. Et subhanallah, dans ces images, ils ont mis ces prophètes, alayhi salatu wassalam, comme s'ils faisaient cela. Chose qui est interdite, bien évidemment. Il ne connaît le futur que Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nabi alayhi sallam a ordonné d'effacer ces images, et ils les ont peints avec du safran. Du safran. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et il a dit, le prophète alayhi sallam, il a dit qu'Allah les combatte. Jamais Ibrahim n'a consulté, soi-disant, le sort au moyen de ses flèches. Qu'Allah les combatte, il a dit, alayhi sallatu wassalam. Et ils ont vu également des images de Maryam alayhi sallam. Tout a été effacé de l'intérieur de la Kaaba. Et quand la Kaaba est devenue pure, de l'intérieur comme de l'extérieur, le Nabi alayhi sallam est entré dedans, il a prié 2 rak'at à l'intérieur. Et comme on a vu ensuite, il a donné les clés de la Kaaba à Uthman ibn Talha radiallahu anhu, et il leur a dit que ça va rester entre leurs mains jusqu'à la fin des temps, et que personne n'est en droit de leur retirer ces clés. Et il ne le fera qu'un homme injuste, illa zalim. Et Nabi alayhi salam est entré à Mecca sans être dans un état de sacralisation. Il n'avait pas fait l'ihram. Il est entré, sans avoir l'ihram, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il n'a pas fait de umra. Mais il a fait tawaf autour de la Kaaba. Il a fait 7 tours autour de la Kaaba en étant sur sa monture. Et il touchait la pierre noire avec un bâton qu'il avait dans la main. Il l'a touché avec un bâton qu'il avait dans la main pour ne pas bousculer les gens. Et pour enseigner également à sa communauté. Alayhi salatu wassalam. Il a ordonné à Bilal radiallahu anhu de faire l'adhan au-dessus de la Kaaba. Et comme on a vu, c'était salat al-dhuhr, la première salat que le Nabi alayhi sallam a prié après la conquête de Mecca, c'est salat al-dhuhr, comme prière obligatoire. Et subhanallah, parmi les paroles des mécréants ce jour-là, certains de la famille de Saïd ibn al-As, un des grands ennemis du prophète alayhi sallam, ont dit « Allah honorait Saïd, car il a pris son âme avant de voir cet esclave noir au-dessus de la Kaaba. » Et subhanallah, on voit l'orgueil de ces gens-là. Ça a été rapporté par l'imam Zahabi rahimahullah avec une chaîne de transmission authentique. Et dès que Al-Ka'ba a été purifiée, que le Nabi Issa Salam a prié, il a commencé à envoyer des hommes pour détruire les statues qui étaient dans les alentours également. Il ne s'est pas contenté de détruire ce qui était à côté de l'Kaaba. Et ça, on va le voir, car l'imam Ibn Kathir va parler de chacune de ces statues à part, pour leur importance. Et ensuite, Nabi Issa Salam a commencé à recevoir les gens qui voulaient lui faire le pacte d'allégeance et entrer dans l'islam. Il le faisait pour les hommes comme pour les femmes. Mais pour les femmes, bien évidemment, c'était sans serrer la main. Et on a vu que Uthman radiallahu anhu a ramené cet homme dont le prophète alayhi sallam a rendu licite son sang, qui s'appelle Abdullah ibn Abi Salh, qui était entré dans l'islam, et après il était devenu même parmi ceux qui écrivaient la révélation au prophète alayhi sallam. Et après, il a apostasié, il est parti à Mecca, et il disait du mal du prophète, alayhi salam. On sait que les gens comme ça sont très dangereux pour l'islam. Mais, radiyallahu anhu, Allah lui a voulu du bien. Car le Nabi, alayhi salam, voulait qu'on le tue. Mais, quand Uthman a demandé au prophète, alayhi salam, de lui faire le pacte, et de tendre sa main, pour lui serrer la main, le Nabi Issa Salam a refusé une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et il s'attendait à ce qu'un des compagnons comprend et le tue. Car il voulait qu'on le tue, cet homme. Mais Sahaba radiallahu anhum, comme le Nabi Issa Salam ne pouvait pas le dire explicitement, par respect à Uthman radiallahu anhum, mais il souhaitait que quelqu'un parmi ses compagnons le tue. Radiallahu anhum tous. Et Sahaba, après, ils ont dit comme excuse qu'ils ne pouvaient pas faire une chose sans qu'il leur donne un ordre explicite. Et ils lui ont dit au messager d'Allah, tu aurais dû nous faire au moins un signe. Il est comme un clin d'œil. Nabi alayhi salam, il leur a dit, il ne se doit pas un prophète, d'avoir une kha'inatu a'yun. Kha'inat al-a'yun, c'est comme faire un clin d'œil ou quelque chose, avoir la signification, comme il l'a expliqué Ibn al-Qayyim, rahimallah, avoir un fond différent de son apparence. Nabi alayhi sallam, quand il veut dire une chose, il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement et explicitement. Mais là, il n'a pas voulu dire ça clairement par rapport à Uthman radiallahu anhu. Mais il s'attendait à ce qu'un de ses compagnons comprenne ce qu'il voulait, mais après c'est la volonté d'Allah Azzawajal qui est au-dessus de la volonté de toutes ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le bien pour cet homme qui est Abdullah ibn Abi Sarh radiyallahu anhu, et c'est un homme qui a eu un rôle extrêmement important dans les conquêtes des pays tels que l'Égypte, le Maroc radiyallahu anhu. Donc le Nabi Issa Salam a commencé à recevoir les gens, il lui faisait le pacte d'allégeance, et les hommes et les femmes également, jusqu'à ce qu'une femme qui est venue en couvrant son visage. Et cette femme, c'était Hind bint Utba. C'était Hind bint Utba, radiyallahu anha. Et Hind bint Utba, si vous vous rappelez, c'est celle qui est rapportée dans les récits, qui a sorti le foie de Hamza et elle l'a mâché. Car il avait tué son frère et son père dans une bataille précédente, dans la bataille de Badr. Et elle a fait ça dans la bataille de Uhud, quand Hamza, radiyallahu anha, a été tué par Wahshi. Et elle avait couvert son visage. Et elle est venue devant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et elle a commencé, elle aussi à son tour, de faire le pacte d'allégeance. Elle est entrée dans l'islam. Nabi alayhi sallam lui a dit, tu me fais le pacte d'allégeance de ne rien associer à Allah. Et ensuite, il lui a dit, et tu me fais le pacte d'allégeance de ne point voler. De ne point voler. Elle a dit au messager d'Allah, ça m'arrivait avant l'islam de prendre de l'argent de Abu Sufyan, son mari, radiallahu anhu. Et Abu Sufyan, il était présent. Elle a dit, ça m'arrivait de prendre de son argent, yani, il en a, c'est rapporté dans certaines versions, qu'il lui donnait pas tout ce qu'il lui fallait pour elle et pour ses enfants. Et quand Abu Sufyan a entendu ça, il a dit, ce que t'as pris avant, c'est halal pour toi. Et elle, quand elle a dit ça au prophète, elle voulait savoir le jugement. Elle voulait savoir le jugement. Abu Sufyan lui a dit, ce que t'as pris avant, c'est halal. Soit disant, ni le sens, mais à l'avenir, non. Mais le Nabi Rasulallah lui a montré que si le mari est avare et qu'il lui donne pas, ni dont elle a besoin, elle peut prendre de son argent à son insu. Et ensuite, le Nabi Rasulallah, quand il a entendu ça, elle a parlé et que c'est Abu Sufyan qui l'a répondu. Il a su que c'était son épouse Hind. Il lui a dit, t'es Hind bint Utba? Elle a dit, oui, au messager d'Allah. Pardonne ce qui est passé. Et ensuite, Nabi Islam a continué avec elle. Il lui a dit, et tu me fais le pacte d'allégeance de ne point tomber dans la fornication et l'adultère. Elle a dit au messager d'Allah, est-ce que la femme libre fornique? Subhanallah. Est-ce que la femme libre fornique? Il a dit de ne point tuer vos enfants. Elle a dit au messager d'Allah, on les a élevés quand ils étaient jeunes et quand ils ont grandi, tu les as tués dans la bataille de Badr. Et Nabi Omar radiallahu anhu qui était présent a souri. Et ainsi, Hind radiallahu anha est entré dans l'islam et s'est devenu parmi les sahabiyat radiallahu anha. Et Nabi alayhi sallam a accepté d'elle et lui a pardonné ce qu'elle a fait à son oncle. Il a pardonné ce qu'elle a fait à son oncle. Et c'est rapporté dans l'authentique que le prophète alayhi sallam, il faisait le pacte d'allégeance aux femmes avec la parole uniquement. Et qu'il n'a jamais touché une femme qui lui est pas autorisée. Il a ensuite, Nabi Isa Salam, il a fait plusieurs discours après la conquête de Mecca. Il a fait plusieurs discours sur place. Dans un des premiers discours, il y a des serments, il a parlé, alayhi salam, de différents jugements concernant Mecca. Et concernant le Kaaba, il a montré le prix du sang. Il a montré que toutes les vengeances et toutes les haines et tous les sangs qui ont été coulés dans le Jahiliya doivent être effacés. Et il a annulé beaucoup d'affaires parmi les affaires du Jahiliya, excepté donner à boire aux pèlerins et ceux qui sont les desservants de l'Kaaba. Ça s'est rapporté dans le Musnad avec une bonne chaîne de transmission et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sunan Abi Dawud. Et également dans un autre serment, Nabi alayhi sallam a montré qu'il n'y a plus de pacte et d'alliance dans l'islam. La seule alliance dans l'islam, c'est l'islam lui-même. Et ça montre que certains groupuscules et des gens qui se mettent ensemble et qui mettent des conditions entre eux, yani, forme de hizbiya. Tout ça, c'est pas autorisé. Le groupe, c'est le groupe de l'islam. Et le pacte qu'on a, c'est le pacte de l'islam. Ses conditions, c'est les obligations de l'islam. Et le gouverneur des musulmans, c'est celui qui dirige leur pays. Pays, yani, c'est ça leur gouverneur. Également, il a fait un autre serment dans lequel il a montré la sacralité de Mecca et l'interdiction de la chasse à Mecca et de couper les arbres et les plantes et de récupérer les loqata, ce qui tombe des gens, chose dont ils ont une valeur, et aller pour faire sortir les choses que les gens, quand ils les perdent, ils les cherchent pas. Quelqu'un, il perd 1 euro, il va pas le chercher, ça s'appelle pas une loqata. Mais celui qui perd 50 euros, en général, il les cherche. Donc le loqata, ce qui tombe des gens, il n'est pas autorisé, ou ce que les gens perdent, il n'est pas autorisé de le prendre à Mecca, excepté pour quelqu'un qui va chercher son propriétaire. Et le mieux pour toi, c'est de ne pas le prendre. Sauf si tu vois que c'est dans un endroit et ça risque d'être pris par des gens qui ne craignent pas Allah, à ce moment-là, tu le prends et tu l'emmènes dans la mosquée de l'Haram. Il y a un bureau dans lequel ils mettent les loqata. Mais sinon, le mieux, c'est de ne pas prendre cette responsabilité et de laisser chaque chose à sa place. Il a montré également qu'il n'y a plus de hijra après la conquête de Mecca. C'est-à-dire, le hijra de Mecca vers le Medina n'existe plus. Mais le hijra des terres de la mécréance vers les terres de l'islam, ça continue jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça, tous ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète, alayhi salam, suite à la conquête de Mecca, il leur a pas demandé de lui faire le pacte sur l'émigration, comme il le faisait avant. Là, il leur a dit l'islam, la foi et le combat dans le sentier d'Allah. Et il a montré que celui pour qui on tue un membre de la famille, il a le choix entre le prix du sang ou la loi du talion, al-qasas, âme contre âme. Et bien évidemment, ces sentences sont appliquées uniquement par le gouverneur ou celui qu'il met en place pour l'application de ces punitions, le juge et ainsi de suite. Et parmi les choses importantes qui ont eu lieu suite à la conquête de Mecca, c'est l'entrée dans l'islam du père de Abu Bakr al-Siddiq, Abu Quhafa, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr al-Siddiq, dans sa famille, il y a 4 générations de compagnons. Et ça, ce n'est connu que de cette famille. On ne connaît pas une autre famille de compagnons, radiyallahu anhu, qui ont cette particularité. Abu Bakr, il est compagnon. Il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en étant musulman. Son père, le fils de Abu Bakr et le petit-fils de Abu Bakr. 4 générations. Radiyallahu anhu. Donc, le père de Abu Bakr, suite à la conquête de Mecca, Abu Bakr l'a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un homme très très âgé. Il avait plus de 80 ans. Et il l'a ramené radiyallahu anhu. Et il a demandé au prophète alayhi sallam de lui faire da'wah et de l'appeler à l'islam. Il est entré dans l'islam. Il est entré dans l'islam ce jour-là. Il avait une barbe blanche, entièrement blanche. Et c'est là où le Nabi alayhi sallam leur a dit de changer la couleur blanche en une autre couleur et d'éviter le noir. Et d'éviter le noir, rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et il est rapporté que le père de Abu Bakr, c'est le premier qui a fait le khidab, qui a teint sa barbe avec une autre couleur que le noir. Toutes les couleurs sont autorisées, excepté le noir. Et également une couleur dans laquelle il y a une ressemblance ou déviant, ou pervers, ou mécréant. Ces couleurs-là, il faut les éviter également. Mais sahaba, il faisait... Ils utilisaient al-hinna ou al-katam. et les deux donnent une couleur rouge. Ou là, une barbe rousse. Non. Et quand le père de Abu Bakr est entré dans l'islam, le Nabi alayhi salam a attendu sa main, il lui a fait le pacte d'allégeance, alayhi salatu wassalam, et là, Abu Bakr, radiallahu anhu, a pleuré. Et il a dit au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il lui a dit au messager d'Allah, j'aurais préféré, j'aurais aimé que ce soit la main de ton oncle Abu Talib qui entre dans l'islam, plus que je l'aime et je le souhaite pour mon propre père, radiallahu anhu. L'amour qu'avait cet homme pour le prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'il savait que le Nabi alayhi salatu wassalam aimait énormément que son oncle entre dans l'islam. Mais la volonté d'Allah était autre, subhanahu wa ta'ala. Et la volonté d'Allah est au-dessus de toutes les volontés de toutes ces créatures. Mais on voit à travers ça l'amour qu'avait Abu Bakr. Vous imaginez, yani, Abu Bakr et l'amour qu'il a pour son père et sa bonté vis-à-vis de son père, il aurait préféré une chose qui réjouisse et qui rende heureux le prophète alayhi salatu wassalam plus que ce qui le rend lui-même heureux. Subhanallah. C'est des hommes qui aimaient le Nabi alayhi salatu wassalam plus que l'amour qu'ils avaient pour eux-mêmes. Donc je disais que le Nabi alayhi salatu wassalam, par la suite, il a commencé par envoyer des compagnons, radiyallahu anhum. Yani, là, un autre point que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Nabi alayhi salam, par la suite, il est entré dans la maison de Ummu Hani, la fille de Abu Talib. Et il s'est lavé chez elle, il a prié 8 rak'at. Il a prié 8 rak'at. Yani, il faisait salam tous les 2 rak'at. Il y a des savants qui ont pensé que cette salat est la prière de Doha. Mais l'imam al-Qayyim dit que ce qui est juste, c'est pas la prière de Doha. Ce qu'il a prié, alayhi salatu salam, c'est une prière qui est appelée la prière de la victoire. Et les gouverneurs de l'islam appliquaient ça parmi les compagnons, appliquaient ça après Nabi alayhi salatu salam. Tel que Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, s'est rapporté de lui quand ils ont conquis la Perse, il a prié ses 8 rak'at à l'intérieur du palais de Kisra, le roi des Perses. Et c'est pour ça que Ummu Hani, radiallahu anha, quand elle a décrit cette salat, elle a dit, je l'ai vu prier une salat que je l'ai jamais vu prier une salat comme elle. Ça démontre que c'est pas la prière de Doha. Car Nabi alayhi sallam, il priait la prière de Doha. Mais ça, c'est une prière spécifique à la conquête. Et quand la conquête a été finalisée, tous les Mécois sont entrés dans l'islam. Excepté 9 hommes. Afwan. Quand la conquête a été finalisée de Mecca, Nabi alayhi sallam a donné la sécurité à tous les Mécois, excepté 9 hommes, comme on a vu. Et ça, là, je vais commencer à vous lire maintenant des fawaïd qui ont été cités par l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, par rapport, yani, à des leçons à tirer de cette conquête. Des leçons à tirer de cette conquête. Parmi les hommes qui sont venus, Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, il avait pris la fuite avec Ikrima et d'autres. Et quand il voulait retourner à Mecca, il a demandé à son ami Umayr ibn Wahb, qui était un musulman. Il est entré dans l'islam. On a vu Umayr ibn Wahb, c'est celui qui est parti pour tuer le Nabi alayhi salam à Médine. Il s'est mis d'accord avec Safwan ibn Umayya, justement, qu'il allait prendre soin de sa famille après lui. Et après, il est entré dans l'islam. Quand le Nabi alayhi salam l'a informé de ce qu'il avait comploté avec Safwan. Donc, Umayr est parti voir Nabi al-Islam, il lui a demandé de laisser Safwan entrer à Mecca et de l'autoriser. Alors que Safwan faisait partie de ceux à qui Nabi al-Islam a rendu licite leur sang. Et quand Safwan est entré à Mecca et que Nabi al-Islam lui a donné cette sécurité, il a dit au messager d'Allah, donne-moi un délai de 2 mois. Après, je vais choisir. Est-ce que j'entre dans l'islam ou pas? Nabi al-Islam lui a dit, je te donne un délai de 4 mois. Je te donne un délai de 4 mois, rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Ensuite, Nabi al-Islam a commencé à envoyer les compagnons pour casser les autres statues. Il a commencé par Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Il l'a envoyé à Al-Uzza. L'Uzza, c'est parmi les plus grandes divinités des Mekwa et des Arabes, qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans Surat Najm. Et il l'a envoyé le 25 Ramadan. La conquête a été finie vers le 19, le 20, après Nabi al-Islam s'est installé à Mecca. 5 jours plus tard, il a commencé à envoyer ses hommes pour détruire toutes ces statues qui étaient vénérées par les Arabes. Et effectivement, Khalid radiallahu anhu, il est parti et il l'a démoli. Et à son retour, il a informé Nabi al-Islam de ce qu'il avait fait. Il lui a dit, est-ce que tu as vu quelque chose? Il a dit non. Il lui a dit, alors sache que tu l'as pas encore démoli. Retourne-y et démolis-la. Et Khalid radiallahu anhu est parti et il a sorti son épée. Et là, il a vu une femme noire, complètement nue. Il a mis ses cheveux éparpillés partout. Et le desservant de cette idole, il commençait à crier quand il a vu la femme. Et Khalid radiallahu anhu lui a donné un coup avec son épée, il l'a coupé en deux. Il est revenu, il a informé Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il avait fait. Il lui a dit, maintenant tu l'as démoli. Ça c'était l'Uzza. Et les gens, c'est une statue qui ne sera plus jamais adorée dans la péninsule arabique. Donc ça démontre que dans ces statues, il y a des shayatines. Et les Arabes, ils entendaient des fois les statues parler. Mais en réalité, ceux qui parlaient, c'était les shayatines. Comme l'a dit Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ensuite, Nabi alayhi salatu wa salam a envoyé Amr ibn al-As pour une autre statue, parmi leurs grandes statues, qui s'appelle Suwa', qui était une idole de Hudayl. Et il l'a envoyé pour la détruire. Et quand il est arrivé, le desservant de cette idole lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, le messager d'Allah m'a ordonné de démolir cette idole. Il lui a dit, tu pourras pas le faire. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que c'est une divinité, elle va se protéger. Il lui a dit, jusqu'à maintenant, Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, a dit à cet homme, jusqu'à maintenant, t'es dans le faux, et t'es dans le batil. Malheur à toi. N'as-tu pas vu qu'elle entend pas, et qu'elle parle pas, et qu'elle voit pas? Et Amr ibn al-As, ensuite, s'est approché de cette idole, et il l'a démolie. Il l'a démolie, et ensuite, cet homme, qui était au service de cette idole, est entré dans l'islam, quand il a vu ça. Et Nabi alayhi sallam également a envoyé Sa'd ibn Zayd al-Ash'ali, radiyallahu anhu. Il l'a envoyé pour la statue de Manat. Également, parmi les grandes statues de Quraysh. Qui se trouvait à un endroit qui s'appelle Mushallal, à côté de Qudayd. Et ceux qui vénéraient cette statue en particulier, c'était l'Aus wal-Khazraj, les Médinois, et des gens de Cham. Sa'd ibn Zayd radiallahu anhu est sorti avec 20 cavaliers jusqu'à arriver à cette idole. Et celui qui était au service de l'idole leur a dit également, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on veut détruire Manat. Il leur a dit, faites ce que vous voulez. Et Sa'd ibn Zayd s'est avancé vers l'idole pour la détruire. Et une femme noire, nue, avec les cheveux éparpillés, est sortie de cette idole. Elle a commencé à crier, la femme, cette fois. Et celui qui était au service de cette idole, il a commencé à dire, protège-toi, Manat, protège-toi, Manat. Et Sa'd radiallahu anhu l'a frappé, Sa'd ibn Zayd l'a frappé jusqu'à la tuer, et ensuite, il s'est tourné vers la statue, et il l'a démolie également. Il l'a démolie également. Donc ça, c'est quelques statues que le Nabi alayhi sallam a ordonné de démolir directement après la conquête de Mecca. Maintenant, on va voir une autre expédition dans laquelle il y a un point très très important, l'expédition de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi sallam l'a envoyé à la tribu de Banu Judaymah. Ou Banu Jadima. Il l'a envoyé pour leur enseigner l'islam et non pas pour les combattre. Et Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu, est sorti avec 350 hommes parmi les émigrés et les Ansar et la tribu des Banu Sulaym. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à cette tribu de Banu Jadima. Il leur a dit, vous êtes quoi? Ils ont dit, on est des musulmans. On a prié et on a cru en la véracité du prophète alayhi sallam et nous avons construit les mosquées et nous faisons l'adhan. Il leur a dit, pourquoi alors vous portez les armes? Ils ont dit, parce qu'on a une autre tribu arabe. Yani entre nous, il y a une haine et on a peur qu'ils nous attaquent. Et c'est rapporté qui n'ont pas su dire qu'on est entré dans l'islam. Ils ont dit « Saba'na ». Si vous vous rappelez, Ali Kuffar Quraysh, quand il voulait décrire un Mekwa qui est entré dans l'islam, il disait « Saba ». Saba, et Ali, c'est comme s'il a changé de religion. Comme s'il a apostasié. Et eux, ils ont utilisé ce terme pour dire qu'ils sont entrés dans l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont changé la religion de leurs ancêtres, ils sont entrés dans l'islam. Et Khalid ibn al-Walid, quand il a entendu de ça, il a cru qu'ils étaient encore des mécréants. Et que ce qu'ils racontaient n'était pas vrai. Et ensuite, il leur a demandé de déposer leurs armes. Et ils l'ont fait. Et ensuite, ils les ont attachés, ils les ont pris tous comme prisonniers. Et il a donné à chaque homme de garder un avec lui. Et vers la fin de la nuit, il a demandé à son armée que chacun tue celui qui est avec lui. Mais les Muhajirin et les Ansar n'ont tué aucun de leurs prisonniers. Excepté ceux qui étaient de Banu Salim, qui ont tué ceux qui étaient avec eux. Et ensuite, quand Nabi alayhi sallam a su ce que Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu a fait, il a dit, Allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Khalid. Ou Allah, je me désavoue de ce que Khalid a fait. Je me désavoue de ce que Khalid a fait. Il a envoyé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu pour donner le prix du sang pour tous ceux qui ont été tués. Et leur rendre ce qu'ils ont pris d'eux. Et ce jour-là, il y a eu comme un petit échange de paroles. Comme une dispute entre Khalid ibn al-Walid et Abdurrahman ibn Auf. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il a dit, doucement Khalid, laisse mes compagnons. Par Allah, si tu avais l'équivalent de la montagne de Uhud et que tu la dépenses dans le sentier d'Allah, tu n'arriveras au mérite de la dépense de l'un de mes compagnons équivalente à une poignée ou la moitié en nourriture ou en orge. Subhanallah. Et dans une version rapportée par Al-Barqani, il a dit que elle est bonne. Nabi alayhi sallam a dit, si tu avais l'équivalent de la montagne de Uhud en or et que tu le dépenses dans le sentier d'Allah tous les jours, t'arriveras pas au mérite de la dépense de l'un d'entre eux équivalente à une poignée ou sa moitié en nourriture ou en orge. Et Nabi alayhi sallam, quand il a dit mes compagnons, c'est-à-dire les anciens parmi eux, car Khalid radiallahu anhu est un compagnon également. Mais le mérite des anciens et des premiers dans l'islam, c'est pas comme le mérite de ceux qui sont entrés par la suite dans l'islam, quand l'islam est devenu apparent et s'est propagé et est devenu puissant. C'est pas comme ceux qui sont entrés dans l'islam quand ils étaient démunis et torturés et on voyait pas encore la force de l'islam. Radiallahu anhum tous, qu'Allah les agrée tous. Nous, notre devoir, c'est de les aimer tous. Mais ça permet de voir le mérite des compagnons, de certains compagnons sur les autres. Si ça c'est dit d'un compagnon vis-à-vis d'un autre compagnon plus ancien, que dire de ceux qui sont venus après eux? C'est pour ça, Al-Sunna al-Jama'a, ils ne décrivent les compagnons, ils ne les citent qu'avec le bien. Et ils ne se permettent jamais de dire du mal. Radiallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Donc parmi les leçons à tirer de ces conquêtes, la grande conquête de Mecca, et suite à laquelle la plupart des Arabes sont entrés dans l'islam comme on l'a vu, parmi les leçons à tirer que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans son livre Zad al-Ma'ad, tout ça c'est cité dans le volume 3 de ce livre, de l'édition de Alam al-Fawaid, Dar Alam al-Fawaid. C'est la meilleure édition de ce livre qui a été faite. Quand l'imam al-Qayyim a parlé des sagesses et des choses qu'on puisse tirer comme profit de cette bataille. Donc il a dit que le pacte de l'Hudaybiyah était comme une préparation à cette grande victoire. Le pacte de l'Hudaybiyah, celui que certains compagnons radiallahu anhum ont vu comme une humilité pour les musulmans. Regardez que c'était la préparation de cette grande victoire de l'islam et des musulmans. Et subhanallah, ça m'a fait penser à l'histoire de Abu Basir, qu'on n'a pas cité et que l'imam Ibn Kathir n'a pas cité. Mais inshallah, je vais essayer de la citer plus tard, bi'idnillah, après avoir terminé ses fawaïd. Et parmi les mérites de ce pacte de l'Hudaybiyah, c'est que les gens étaient en sécurité, étaient à l'abri, et ils pouvaient transmettre l'islam. Il pouvait débattre au sujet de l'islam et convaincre les gens de l'islam et montrer leur religion ouvertement et publiquement, chose qui n'était pas possible avant, même pour ceux qui étaient restés à Mecca. Radiallahu anhu. Également parmi les fawaïd que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité, c'est que les gens qui sont en trêve avec les musulmans, si jamais ils violent l'accord, même certains parmi eux qui le font, les musulmans ont le droit de les combattre tous. Ont le droit de le combattre tous. Parce que c'était une violation qui n'a pas été blâmée par Quraysh. Qui n'a pas été blâmé, donc ils sont d'accord. Même si ça a été fait pas que par une partie d'entre eux. Également parmi les fawaïd, l'autorisation d'avoir d'avoir un pacte de paix et de trêve avec les mécréants d'une durée de 10 ans, comme le Nabi alayhi salam a fait, et même plus s'il y a besoin, et si le gouverneur y voit un intérêt en cela. Parmi les fawaïd, c'est que le gouverneur, quand on lui demande une chose qu'il ne peut pas donner et qu'il ne donne aucune réponse, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Car Nabi alayhi salam, quand Abu Sufyan lui a demandé de renouveler le pacte et de le renforcer et même de le prolonger plus longtemps et qu'il ne lui a pas donné de réponse, ça ne veut pas dire qu'il était d'accord. Également, l'interdiction de tuer le messager, même celui qui est envoyé par les mécréants. Un gouverneur mécréant envoie un messager, un homme, à un gouverneur musulman, il n'a pas le droit de le tuer, parce qu'on ne tue pas les messagers. Parmi les fawaïd que l'imam Al-Qayyim a cité, l'autorisation de tuer l'espion, même si c'est un musulman, même s'il n'a pas mécru avec son espionnage. Et ça, c'est dans le cas, comme on a vu, c'est dans le cas où il va faire de l'espionnage au profit des mécréants pour dunya, et non pas par haine à l'islam et aux muslimines, et en voulant que les mécréants dominent l'islam et les muslimines. Mais il va le faire par intérêt mondain. Et ça, c'est un grave péché, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, malgré cet homme-là, qui n'est pas sorti de l'islam, le gouverneur a le droit de le tuer si jamais il voit l'intérêt en cela. C'est pour ça que Nabi alayhi salam n'a pas blâmé Omar quand il a demandé à tuer Hatib radiallahu anhu. Il lui a pas dit non, c'est pas autorisé. Mais il lui a dit, qu'est-ce que t'en sais, Omar, si Allah n'a pas regardé les gens de Badr, et il leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Donc, Nabi alayhi salam a montré que ce qui a préservé Hatib radiallahu anhu de la mort, c'est sa participation dans la bataille de Badr. Mais ça, c'est pas ça qu'il a préservé de la mécréance. La mécréance, ce qu'il a préservé, c'est son intention. Et qu'il ne voulait pas apostasier de l'islam, ou il détestait l'islam, ou il a préféré la mécréance. Il a fait ça uniquement pour protéger sa famille, ses biens à Mecca. Et c'est très grave, bien évidemment, mais c'est pas une mécréance. C'est pour ça que Nabi alayhi salam ne l'a pas tué. Et il lui a pardonné. Et sur ça, l'imam Al-Qayyim, il a parlé d'une règle très très importante. C'est que les péchés sont expiés avec les bonnes actions et sont effacés avec les bonnes actions. Et comme lui, il avait une bonne action tellement forte et tellement grande, qui est d'avoir donné son âme, et c'est bien, il est sorti dans le combat, dans la bataille de Badr, il a exposé son âme et sa personne au danger pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une bonne action qui lui a permis l'expiation de ce grave péché qu'il a fait. De ce grave péché qu'il a fait ici. L'autorisation de découvrir une femme entièrement, s'il y a un intérêt pour les muslimines, un intérêt général pour les muslimines. Comme cette femme qui avait ce message adressé à Kuffar Quraysh, Ali radiallahu anhu, avec ses compagnons, l'ont menacé, si jamais elle sort pas le papier, qu'ils vont la déshabiller. Mais elle l'a sortie avant. Et comme je vous ai dit, l'imam Al-Qayyim, il a parlé longuement de l'hasanat et de l'sayyi'at, et du rapport qu'il y a entre les deux. Et il a cité, contrairement à l'histoire de Hatib, l'histoire de Dhul-Khuwaysira At-Tamimi, cet homme parmi le Khawarij qui a dit au prophète, quand il a réparti un butin, il a partagé un butin, il lui a dit, sois juste, ô Mohammed. Regardez que cet homme, malgré son adoration, malgré ses efforts très grands dans l'adoration, dans la récitation du Coran, dans le salat, dans le jeûne, tout ça n'a pas suffi pour expier ce péché qu'il a fait très grave, qui est yani, dénigrer et critiquer le prophète alayhi salatu wassalam et s'opposer à sa volonté. Également dans cette bataille, parmi les leçons qu'on puisse tirer, qu'il est recommandé de montrer la force des muslimines et de montrer leur grand nombre pour faire peur aux ennemis d'Allah. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est légiféré salat al-Eid dans le musalla et non pas dans le masjid. L'autorisation d'entrer à Mecca sans ihram, sans être dans l'état de sacralisation. Comme le Nabi alayhi salam est entré à Mecca sans être dans un état de sacralisation. Et également, les preuves qui montrent clairement que Mecca a été conquise par force, comme c'est l'avis de la plupart des savants. Il a cité également cette faïda par rapport à cette bataille. Par rapport à cette bataille. Donc, l'imam Ibn Kathir, après avoir parlé de la conquête de Mecca et de cette histoire qui est arrivée à Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et la démolition des différentes statues qui étaient autour de Mecca. Ensuite, il va commencer à parler, rahimahullah, de la très grande bataille de Hunayn contre les tribus de Hawazin qui a eu lieu après la conquête de Mecca directement. Et les tribus de Hawazin, c'est les tribus qui sont dans Taif et les alentours de Taif, pas loin de Mecca. C'est pour ça, il va y avoir deux grandes batailles d'affilée, la bataille de Hunayn et la bataille de Taif, l'une après l'autre, et on va les voir bi'idhnillah, et après ces deux batailles, la dernière des batailles que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a citée dans ce livre, c'est la bataille de Tabouk. Ghazwa Tabouk, dans laquelle a participé le prophète alayhi salatu wassalam, yani dans laquelle a participé le Nabi alayhi salatu wassalam, et celui qui a donné son argent et qui a permis l'équipement de l'armée des muslimines dans cette bataille, c'est Uthman radiyallahu anhu. Donc dans cette bataille dans laquelle les muslimines sont sortis après la conquête de Mecca et après les deux batailles de Hunayn et de Taif. Et c'est la dernière des batailles que nous allons aborder bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous allons voir tout ça dans le cours prochain bi'idhnillah. Voilà pour aujourd'hui. هذا والله تعالى على وعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته